La farce rentrée ce soir. T'as l'air bien fin, hein? Ah oui, c'est vrai. Quelque chose à dire. Pourquoi la planète Terre a-t-elle une vision d'elle-même comme étant plate et non pas ronde? Ah ben, c'est très simple, c'est parce qu'elle est trop grande. À cause de sa dimension. Oui, si tu prends un microbe, tu le mets sur un ballon de plage, le microbe va avoir l'impression que le ballon de plage est plat. Mais l'horizon, quand on regarde un bateau à l'horizon, lentement, on voit le bateau qui descend, on voit que la cheminée qui disparaît. Les anciens pensaient qu'il était tombé. C'est parce que la Terre est tellement grande que ça, c'est à peine si on voit la démarcation, mais quand on regarde à l'horizon et on voit un bateau s'éloigner, à un moment donné, il rétrécit, puis à un moment donné, oups, il descend. C'est parce que là, vraiment, il rentre assez loin. Sans ça, ben, on prend le Concorde, par exemple, on fait un vol de New York, Londres en Concorde, et puis on va se rendre compte qu'à travers le hublot, que la Terre est ronde. Mais du sol, c'est parce que c'est tellement grand que l'humain n'a pas l'impression du tout. Mais c'est rond. Il y a 3 mois, je suis déménagé avec l'attitude. C'est qui ça? Ou l'idée. C'est qui ça? Je ne veux plus ça. Et je ne sais pas où je m'en vais. Et maintenant, c'est plein de karma qui ne m'appartient pas. Est-ce une situation lunaire? Si oui, est-ce parce qu'il manque est-ce qu'il manque d'intelligence? Que je suis manipulé? Qu'est-ce qui arrive? C'est la question. Oui, t'aurais dû juste lire qu'est-ce qui arrive. C'est la question. Bon, il arrive simplement qu'il faut une période d'adaptation, une période de transition. Et puis, la personne n'a pas réellement déménagé. Alors, il va falloir, à un moment donné, qu'elle déménage. Mais quand on déménage, en fait, on ménage. Donc, la personne, il faut qu'elle secoue les puces un peu, puis il faut qu'elle... Sauf qu'elle... Je l'explique comme elle la pense. La personne, elle est... Ça a toujours été un peu son problème. C'est qu'elle est... C'est une personne qui est associé à un égrégore, puis si je dis ces mots-là, ça va compliquer les choses. On va dire simplement que la personne, c'est une personne qui est très spirituelle et qui a la capacité de développer un plan mental intéressant. Elle a même des contacts avec l'intelligence. Sauf qu'une personne qui spiritualise encore trop les choses. Et spiritualisant trop les choses, elle va finir par compliquer les choses. Puis en compliquant les choses, bien nécessairement, la complexité des choses vient perturber sa capacité mentale de légiférer. Puis elle ne peut plus légiférer comme il faut parce que la légifération se sert des mémoires astrales. Puis les mémoires astrales ont été colorées et compliquées par sa spiritualité. C'est compliqué ce que je dis là? En tout cas, bref. Alors ça fait en sorte que souvent la personne... C'est exactement comme si elle avait une espèce de grand tapis en avant d'elle, un grand tapis mousse. Puis chaque fois que l'information vient vers elle, l'information rentre dans le gros tapis mousse, là, puis il se perd quelque part là-dedans. Fait qu'elle est bourrée d'informations, mais il n'y a pas grand-chose. Mais tout est là. Mm-hmm. Il ne faut pas grand-chose pour que ça change. Sauf que la personne, elle a des phases de temps en temps où c'est pas pire, mais la personne qui est négative. Pas trop au niveau de l'ego, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que la personne, elle, n'est pas encore parvenue à s'échapper. À s'échapper d'elle-même. Je ne veux plus ça et je ne sais pas où je m'en vais. Tu sais, il ne faut pas vous compliquer la vie. Il n'y a personne qui sait où s'en va, hein? Bon, les gens pensent, on a des idées, ça nous rassure, ça nous permet de bien dormir, mais franchement, tu pourrais dire, hein? Tu sais, lui, tu, comme toi, tu pourrais dire, moi, je vais être sergent. Je m'en vais. Ouais, fais-moi rire. Il est loin de sa planète un peu, puis regarde le petit gars à bas qui va être sergent, il sait ce qu'il va, franchement, il sait vraiment pas ce qui se passe. Il y a un missile qui descend vers lui, puis l'autre, il va être sergent en bas. Il n'y a personne qui sait ce qu'il va. Ben, sauf qu'il faut que la personne... son gros problème, puis encore là, c'est ça, c'est qu'à chaque fois que j'explique quelque chose, c'est là, on peut avoir des difficultés à comprendre. c'est que la personne, elle a beaucoup plus de valeur qu'elle croit. Puis là, en disant ça, elle pourrait dire, ben écoute, là, je te suis plus du tout. Ben, c'est ça que je dis, là, elle a beaucoup plus de valeur qu'elle pense. Donc, c'est évident qu'elle ne peut pas me suivre, si je dis ça. Et parce qu'elle a beaucoup de valeur, ben nécessairement, on lui laisse pas trop de répit. Mais pas, elle est pas seule comme ça, il y en a plein de gens comme ça. Pas plein, il y en a d'autres. Et maintenant, c'est plein de karma qui ne m'appartient pas, mais on attire toujours le karma qui nous appartient. Oh, c'est sûr, ça peut être le karma d'un autre, mais ce karma-là vient simplement purger un karma que vous aviez avant. C'est le karma, c'est ça fait encore partie de l'incompréhension puis de l'ignorance. Ah oui, c'est sûr que l'ignorance, c'est l'astral, donc en partant, c'est la mémoire. C'est un troc? Ouais, c'est un troc, mais... Par exemple, si tu as l'énergie pour tout te fourrer le nez où ce qu'il faut pas, ben c'est effectivement ton karma. Tu te dis, ouais, mais c'est pas mon karma, moi j'ai acheté une maison qui tombe en ruine, c'est le karma de l'autre que j'ai acheté. Oui, mais c'est ton karma à toi d'acheter le karma de l'autre. Tu comprends? Il y a des choses encore que tu n'appliques pas, des choses que tu ne comprends pas, et tu es enveloppé d'une brume qui te permet de fuir certaines choses. Bon, donc c'est plein de karma qui m'appartient. Est-ce une situation lunaire? Bon, c'est évident que c'est pas solaire. C'est solaire, ça n'a pas l'air d'être du tout. C'est évident que c'est lunaire. Lunaire, c'est exactement ça. Si oui, est-ce parce qu'il manque d'intelligence? Il me manque d'intelligence. C'est parce que la personne, non, c'est... Il y a des choses que vous devez comprendre, mais c'est compliqué à comprendre, puis je comprends. Et que c'est pénible aussi à comprendre des idées. C'est des choses qu'on ne devrait pas dire à personne. À la radio. On va le dire au micro. C'est qu'il y a des personnes, c'est facile, c'est banal. Lui, il a connu ça, il va encore connaître ça à un moment donné, puis là, il va avoir de la difficulté à le supporter. Oui, c'est vrai. Puis il y a plusieurs aussi. Il y a des personnes qui sont intelligentes, qui ont des bonnes choses, puis c'est pas le temps. Et les individus ne peuvent pas comprendre d'idées. Quand c'est pas le temps, puis t'as pas assez d'intelligence, t'essayes encore de faire des choses que c'est pas le temps. Fait que dans ce temps-là, on te met des désenclumes, on t'attache complètement, puis là, tu te niaises, puis tu nages dans de la vase pour absolument rien, puis t'avanceras pas. Tu marches sur un tapis roulant, fait que t'as beau avancer, lui, il avance dans le sens opposé, puis tu es toujours à la même place, puis à un moment donné, tu fermes les yeux, là, tu te dis, ah ben là, j'avance. Quand tu ouvres tes yeux, il est encore même place. C'est parce que c'est pas le temps de te rendre quelque part au niveau énergétique, au niveau des situations. Je peux me prendre un exemple. Bon, toi, mettons, tu me dirais, ben écoute, là, maintenant, là, je veux faire telle chose. Tout commence à aller mal. C'est parce que c'est pas le temps. Mais dans le cas de d'autres personnes, ça va être, oui, mais moi, je veux pas faire rien. Non, c'est sûr. C'est que si on te libère, tu vas vouloir faire quelque chose. Alors, c'est simplement que tu as su ta sensibilité, pas encore assez développée, pour vouloir le faire tout de suite. Toi, tu voudrais le faire tout de suite, à un moment donné, puis ça peut ne pas marcher. Et je dis souvent à des personnes, écoute, si tu deviens riche, là, c'est pas le temps que tu commences à crier partout. Fait que si un jour tu deviens riche, là, c'est uniquement pour te baigner dans ta piscine, puis te relaxer, puis rien faire. Puis la majorité des égos pourront pas. Là, la créativité va passer. Cette créativité-là, elle passe uniquement pour affairiser. Elle passe uniquement pour créer une structure d'affaires au niveau de l'énergie. Mais ça passe pas pour que tu le fasses. Oh, mais là, j'ai une idée géniale. Oui, juste pour avoir une idée géniale. Tu vas t'initier aux idées géniales. Tu sais, mais oublie les idées géniales. Mais ça, l'ego ne peut pas supporter ça. Si l'humain est trop égoïsé, automatiquement, il va dire, voyons donc, je ne peux pas laisser passer ça. Ça va aider du monde. Ça va. Non. L'idée, c'est rien pour te former. Toi, tu fais rien. Ah, moi, ça va à quand que c'est le temps? Quand quelqu'un va venir te dire, écoute, t'as-tu une idée géniale qu'il faudrait que je me dise, tu vas savoir quand ça va être le temps. Tu n'as rien à faire pour. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore nécessairement perçu l'idée ou ce qu'elles aimeraient faire. Peuvent. Il y en a qui n'ont pas perçu. Et puis là, ben là, on les marasme. On est dans une forme de marasme. On les maintient dans de la gélatine de vie, un peu de conscience, uniquement parce que la personne est beaucoup plus importante qu'elle peut penser. Puis c'est pas le temps encore qu'elle soit connue ou qu'elle s'émancipe ou qu'elle grimpe. Puis là, même si l'ego dit, ouais, mais moi, je suis écœuré de tout ça. C'est ça, pour ça, je dis que c'est une chose qu'on ne devrait pas dire. Parce que même si tu es écœuré, l'intelligence n'a rien à foutre. Tu es écœuré, bon. C'était le but. Ouais, ben c'est ça. C'est que. Alors la personne, elle doit entretenir son corps physique un petit peu, elle doit faire des petites choses. Sinon, elle doit commencer à se dire, bon, ben écoute, on va attendre que le vent tourne. Puis c'est important. Il y a des personnes, à un moment donné, qui ont des problèmes, puis j'en connais des gens qui ont des problèmes. Et elles essayent, il n'y a pas quelque chose pour s'en sortir, puis je leur ai dit souvent, c'est uniquement pour te donner l'impression que tu vis, puis que tu diriges, puis que tu fais quelque chose. Parce que si tu fais rien, tu vas te culpabiliser de rien faire pour t'en sortir. T'as endetté plein de monde, là, puis là, tu fais rien, t'attends que le vent tourne, tu t'assieds chez vous, puis t'es temps. Mais là, le monde, tu l'as resté que t'as l'air que le vent tourne? Tu la planche à voile dans la piscine pendant ce temps-là? La personne, elle, ça travaille, puis elle y va, puis elle met d'énergie, puis j'ai dit, à chaque fois que tu fais ça, tu descends. Pouf. Puis tu descends. Pouf. Puis j'ai plus de problème. Puis pouf. C'est pas le temps. Arrête. Ah oui, mais tu veux que je fasse rien, c'est ça. Pas capable. Continue à descendre. C'est pas le temps. Alors, il y a des comme ça, c'est pas le temps. Moi, j'ai passé un grand bout de temps dans ma vie où c'était pas le temps. Ben, c'était pas le temps. C'est sûr qu'on a des vies différentes. Certaines vont dire, ouais, mais toi, quand c'est pas le temps, c'est moi plus plaisant que moi quand c'est pas le temps. Oui, mais si on va tous les deux voir un spectacle, si je vous le compte, votre pause est un peu intéressant que ce que vous allez avoir vu. Même si vous étiez avec moi. C'est une question de point de vue. Ma vie n'est pas plus intéressante que celle d'un autre. Mais moi, je l'ai vécu d'une façon maudite plus intéressante que celle d'un autre. C'est surtout là la nuance. J'ai passé un grand laps de temps, que c'était pas le temps, puis c'était pas le temps, tabarnouche. Je suis sûr que c'était vraiment pas le temps. En tout cas, c'était le temps maudit que ce soit pour que ce soit pas le temps. C'est ça, clair, net et précis. Alors, il y a ça. Il y a des personnes qui doivent apprendre des choses sur elles, comprendre des choses. Bon, mais ça ne changera pas tout de suite là. Faut pas. On peut s'écœurer, mais faut pas se déprimer. Puis là, le temps vient. Mais cette personne-là, elle attend, elle est dépendante de d'autres individus. Fait qu'elle doit attendre après les autres individus. Pour qui c'est pas encore le temps? Pour qui c'est pas encore le temps? Pour qui d'autres ça commence à être le temps? Puis etc. Puis elle peut pas rien faire. Ça vaut même pas la peine qu'elle sache chez qui elle sait peut-être. Ça vaut même pas la peine. Mm-hmm. Parce qu'il y a des choses comme ça. Voyez-vous, veut pas les conscientiser forment une équipe. Bon, ben, si tout le monde veut avoir le ballon en même temps, faut un maudit gros ballon. Parce qu'il y en a quatre qui partent aux toilettes, puis le ballon est gros que les autres, puis le ballon est trop gros. Les choses doivent se faire dans leur temps. Puis les personnes qui ont des problèmes ont souvent beaucoup moins de problèmes que s'il n'y avait pas de problème. Personne, ils ne le savent pas, là. Mais... Tout dépend de l'attitude. Ouais, ou de la platitude. de l'ego. Le temps, ça s'en vient. Les choses se tassent. C'est intéressant. C'est bien. Moi, je le sais, puis le communiquer, ça sert à rien. Mais c'est correct. Les choses s'en viennent, mais il n'y a pas de temps. Le temps, effectivement, ça dépend de tout le monde. Autrement dit, si vous voulez le savoir, c'est de votre faute. C'est la vie comme ça. Mais évidemment, ça ne faut à personne. Le Nazaréen était-il une mécanique du futur? Il venait-il de l'an 2000? Non. Le Nazaréen était une mécanique du présent. Et il venait de son temps. Quand il a expulsé l'antihomme, il a donc expulsé la mécanique astrale intraterrestre. Il a expulsé l'antihomme qu'il y avait chez lui, puis c'est ce qui a engendré une grosse mécanique satanique au niveau de l'astral. Fait qu'effectivement, il a expulsé les parties antihommes intraterrestres qui habitaient son humanité. Ça a fait pas mal d'énergie. Tu disais que pendant une... Juste pour vous dire, quand il est mort sur la croix, il a expulsé le reste de l'antihomme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des problèmes sur la croix, puis il a expulsé tellement d'antihomme, quand ça a rentré sous terre, il y a eu un tremblement de terre. Ah, oui, c'est vrai. C'est ça. C'est une théorie, là. Tu disais que pendant une courte période, on aurait un libre arbitre pour choisir l'homme nouveau. On aurait comme un libre arbitre, c'est-à-dire qu'on aurait la possibilité de bouger, puis c'est exactement ça qui se passe présentement. L'humain a la possibilité, s'il est capable de bouger son corps, donc d'avoir suffisamment de liberté dans sa conscience pour carrément changer le confort de sa vie, l'esthétisme de sa vie, puis carrément changer sa vie. Et il reste encore très peu de temps, il reste encore le faire comme 3-5 ans pour que l'humain fasse ça. Tout le monde ne peut pas le faire en même temps, parce qu'il y en a qui doivent bouger, tu sais, c'est un peu comme si on était une grosse gang. Fait que si ceux qui sont là ne vont pas commencer à partir, ceux qui sont en arrière, il faut bouger tout de suite. Facile de dire, oh, mais là, j'aurais plus le temps, moi, là, ben, oui, je sais bien. Puis même si tu pousses, t'as des égaux en avant, là, quand tu pousses, ils arrêtent tout, t'en repousses tout de bord. Fait qu'il y a personne qui bouge. Relax. À un moment donné, ils vont s'en égoïser, puis ils commencent à décoller. C'est ça, pousse pas. Et puis, c'est ça. Fait que donc, de plus en plus, ça va aller. Ça fait, à cela, commencé en 90, pour être précis, ou 89 un peu. Cette mécanique où l'intelligence supramentale est presque l'équivalent énergétique de l'astral, ce qui fait que le plateau sur lequel l'humain tourne est presque arrêté. Il va recommencer lentement à tourner dans le sens d'intelligence, puis quand la centrifugicité va être suffisamment enclenchée, bien, l'humain ne pourra plus bouger, il va être carrément propulsé sur les côtés de sa vie. Mais il reste encore entre 3 et 5 ans. Quand je dis entre 3 et 5 ans, ça dépend simplement à quelle vitesse on le fait. Du moment que c'est suffisamment bougé, on vient rajouter notre poids du côté de l'intelligence, nécessairement on accélère le processus. Autrement dit, plus vite il y en a qui vont passer, plus vite les autres doivent se déniaiser. Non, mais est-ce que c'est la même mécanique que qu'est-ce que tu expliquais au début cet après-midi? Oh, je me rappelle plus ce que j'expliquais cet après-midi. Mais, non, mais en parlant du... Comment peux-tu repasser la cassette? Est-ce que la même chose qu'être son seul maître dans la conscience? Non, c'est que le fait d'être son seul maître dans la conscience va permettre à l'humain de changer de place. Mais c'est pas un libre-arbitre. L'humain, l'humain va changer de place. C'est comme un libre-arbitre. Pour l'ego. C'est un peu comme tu as les fesses toutes usées, là, puis y a un banc qui est extrêmement bien pour tes fesses, là, puis tu es sur un banc de bois. Puis tu peux changer. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes. Tu changes pourquoi? Parce qu'il y a un banc plus confortable, parce que tu as les fesses usées. C'est pas les barbites. Si tu avais les barbites, tu n'aurais pas les fesses usées. C'est bien plus simple. L'humain va simplement changer de place comme s'il avait un libre-arbitre, mais c'est le temps présentement de bouger suffisamment parce que ça peut permettre aux individus de récolter ce que les billions d'individus, sur les milliards d'individus ont semé à travers le temps. Cette période est commencée puisque 91 est l'année de l'application. Peut-on allonger jusqu'en 92 ou non, si les choix sont déjà faits? Non, on a toujours le temps qu'on a besoin. Sauf qu'à travers le temps, on finit par perdre de l'énergie si on ne bouge pas suffisamment. Comme j'expliquais à un moment donné, la personne n'a pas assez d'énergie, puis elle se garoche pour monter l'escalier au complet, puis la montagne au complet. Puis elle a juste assez d'énergie pour se ramasser trois quarts de la montagne. Fait quand elle arrive là, elle n'a plus d'énergie, puis là, elle dit « Ah merde, j'ai manqué mon coup ». Fait que là, elle descend déprimée, puis elle s'en va se cacher chez elle. On doit monter la moitié de la montagne, puis après ça, on ne redescend pas, on reste là, puis on se repose, là. Après ça, on monte un autre quart de montagne, puis on se repose, là. Après ça, on monte le reste de la montagne. Mais l'humain, il veut toujours, c'est tout ou rien tout le temps. L'humain dans l'astral, ben non, il est carrément fusionné, parce qu'entre les deux, là, il trouve que c'est pas correct. Il faut avancer étape par étape. Quand tu parles du libre-arbitre là, que tu viens de parler, là, est-ce que si on prend l'exemple de la personne tout à l'heure qui parlait de karma... Qui est dans un marasme? Bon. Est-ce que c'est... Bon, cette personne-là, elle sait quoi faire, là, mais elle est prise pour ne pas le faire. Est-ce que... Elle peut savoir, elle peut le prononcer, pas tout. Ben, mais c'est pas grave. Disons qu'elle sait quoi faire. Disons qu'elle sait, là. Ça veut dire que le libre-arbitre là, dont tu parles, c'est le libre-arbitre qui ferait en sorte que là, il sait quoi faire, mais rien qu'à le faire, puis ça va être facile. Ça va arriver. Non, ce que tu dis, c'est vrai. Sauf que la personne n'a pas l'énergie qu'il faut encore pour le bouger, puis pour avoir l'énergie qu'il faut pour le bouger facilement, il faut que quelques autres personnes bougent. OK, mais ces quelques autres personnes-là qui seraient dans la même situation, là, bon, c'est ça, là, c'est que ça va se faire facilement. Parce que là, tu poses des questions qui sont pas correctes. Parce que tu as raison. Mais c'est pas correct que tu aies raison, tout de suite. Une personne qui décide que c'est ça, ça va être ça. Ça prend un laps de temps là, avant que la matière atterrisse pour la faire au complet. Sauf que souvent, les individus ont juste pas assez d'énergie, ça fait que c'est là qu'on peut décider que c'est pas leur temps. On peut en déduire planétairement que c'est pas leur temps. Oui. Parce qu'il faudrait que d'autres le fassent. C'est un peu comme si tout ce que tu auras à faire, c'est de te tasser, mais il y en a deux devant toi. Tu n'es pas assez fort pour les tasser, mais tu es assez fort pour marcher. Parce qu'ils ne seraient pas là, ça irait bien. S'ils sont pas là, tu n'as pas à marcher. Mais s'ils sont là, tu n'es pas assez fort pour les tasser. T'es assez fort pour pas marcher. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, soit qu'il y a un peu plus d'énergie qui va rentrer, mais la personne peut se dire, ben, mais d'abord, comment je sais pour avoir l'énergie qu'il faut pour les tasser? Ben, ça te prend deux semaines à avoir l'énergie, puis t'as deux semaines à attendre. Ça vaut pas la peine de travailler pour avoir l'énergie. Tout ce que t'en fais, c'est attendre. Mm-hmm. Les individus, ils vont finir par s'en aller. Il y a plein de choses qui sont en train de se régler, puis il y a des choses qu'il ne faut pas que je parle trop. Pourquoi? Parce que je vais mettre des bâtons de roues dans l'affaire. Il ne faut pas que j'explique trop, pas pour les personnes, pour l'astral qui écoute, il ne faut pas que j'explique trop certaines choses, ça va compliquer l'affaire. Ce serait parce que l'expliquant, nécessairement, je vais rassurer certains égos, tu sais, c'est sûr. Ça, c'est bon. Parce que l'ego, c'est correct qu'on le rassure un peu. Mais en même temps, je vais assurer l'astral. Puis l'astral, c'est pas bon qu'on l'assure de... Il y a des choses que c'est pour ça que c'est compliqué d'en parler là, mais je sais, moi, que tout est correct. Ça vous arrange pas, mais c'est ça. Les deux antennes supramentales peuvent-elles servir de coalition entre elles? Ben, de toute façon, c'est sûr qu'il va y avoir une coalition entre elles. Sont-elles sujettes à des agressions physiques ou intraterrestres plus que les autres humains? Non, moins. Beaucoup moins. Surtout que c'est extrêmement dangereux pour un ego, pour un humain, de penser à faire quelque chose. Quelqu'un qui pense à faire quelque chose contre l'une de ces deux personnes-là, là, il y a des chances qu'il ne se rende pas loin. Est-ce que, justement, une de ces deux personnes-là fait un travail d'information, des mises en garde? Oui. À ce genre Et moi, j'en ai déjà fait. L'autre m'a déjà fait aussi. Mais je parle pause main, mais aux intros. Aux intros, ça s'est fait de deux côtés aussi. Mais c'est pas mis en garde, on l'aura montré. On a choisi un exemple, là, dans le gang-gang, là, puis... Le crucifié? Ah, oh, ben non, quelque chose de terrible. Ah, il faut qu'ils comprennent. Quelle différence y a-t-il entre nos guides et nos alliés? Un allié, c'est quelqu'un qui a besoin de vous pour les mêmes raisons que nous, on a besoin de lui. Un guide, c'est un mécanique astral qui a besoin de l'humain uniquement pour ce que lui a besoin. Il se balance de l'humain. Alors, il va faire croire à l'humain certaines choses, il va diriger l'humain jusqu'à un certain point vers ce que lui, le guide, a besoin. Et ce qui plaît à l'humain. Et puis, à un moment donné, il va ramasser l'humain au complet. Les guides sont toujours manipulés par des mécaniques intraterrestres. Les guides font partie des plans évolutionnaires de l'astral. Alors, c'est sûr que c'est plaisant d'avoir un guide, parce que c'est intéressant. J'ai un guide, bon. Autrement dit, tu sais, vu que je vois rien, ben, j'ai un guide, c'est génial. C'est en prenant en considération que tout le monde est aveugle. L'ego a une valorisation d'avoir un guide. Mais, tu sais, quand ton chien guide, là, c'est un gros Doberman, là. Il te suit, ça va bien. Quand tu t'en vas vers le magasin, vers la boucherie, là, il te suit. Puis quand tu essaies de te tourner par la librairie, là, il traîne dans la boucherie, le gros chien, puis il n'y a rien. J'essaie de l'arrêter, ça va avec le gros Doberman, il grimpe. Fait que c'est ça, les guides d'astro. En a-t-on besoin, puisque l'on est notre seul maître? Oui, mais un allié, c'est quelque chose d'autre. Il faut que l'humain comprenne, être son seul maître, ça veut dire être libre dans sa conscience. Ne pas être perturbable, on devient un étang, un lac totalement calme. C'est tout. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir besoin d'une source pour nous remplir, parce qu'il y a de l'évaporation. Mais le lac, lui-même, est calme. On lance une roche d'air en dessous, qu'elle descend direct, puis il n'y a aucun... La surface n'est pas troublée. On est son seul maître. On est bien. On est bien, bien, bien. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des amis. Être son seul maître, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus une personne. C'est pas ça, être son seul maître. Être sur le maître, ça ne nous empêche pas d'avoir des alliés, mais les alliés, eux, ont besoin de nous parce qu'ils vont là où nous allons. Et nous avons besoin d'eux parce qu'on va là où ils vont. Puis l'alliance, c'est être sur le maître, je reviens encore là-dessus, ce n'est pas avoir du libre-arbitre. Alors, je suis mon seul maître, ça veut dire que j'ai du libre-arbitre, donc je n'ai pas besoin de personne. C'est pas ça. Puis tous ceux qu'on a besoin, c'est nous autres. Effusés dans les dimensions de la création. Mais être libre, ce n'est pas... être indépendant puis être autarcique. Autarcique. C'est quoi ça? Disons, autonome sur tous les points. Les extraterrestres sont-ils considérés comme nos alliés? Non. Les extraterrestres, ils sont pas considérés comme nos alliés. Les extraterrestres, ils sont... sont extra les restes. Non, les extraterrestres, ce ne sont pas des alliés, ce sont d'autres phénomènes, ce ne sont pas des alliés. Et ils ne veulent pas s'allier à l'humain, ils ont besoin de l'humain. Ils ont besoin de l'humain comme la grenouille a besoin d'un insecte. Alors, ce ne sont pas nos alliés, non. Ils sont plaisants, c'est sûr qu'un jour on en fait venir une soucoupe. On les invite à manger. Pendant ce temps-là, en arrière, notre gang applique le soucoupe. Tu sais. Là, ça nous fait une soucoupe. Ah, c'est correct. Mais c'est pas des alliés. Un membre de la famille chez moi se dit être en contact avec des êtres vêtus de longues robes blanches, avec ceinturons dorés et portant une tiare. Ils lui ont dit qu'il aura une mission à accomplir. Il a une confiance absolue en eux. Sont-ils les entités blanches qui le têtent? Non, ce sont des... S'il les a rencontrés physiquement, ce sont des intraterrestres qui sont assez très connus. Je pourrais même poursuivre la description. La majorité des grands blonds aux yeux bleus sont habillés, sont vêtus justement de grandes tuniques blanches. Normalement, vêtus avec un ceinturon relativement doré. C'est pas doré, mais c'est comme doré. Et puis, ils peuvent effectivement avoir d'autres apparats dépendamment de leur rang. Un peu ce que Raël a rencontré à un moment donné. Et, quelqu'un me dirait, moi, mais il n'y a pas les cheveux blonds. Bon, tu sais, franchement, j'en connais bien des personnes qui n'ont pas la couleur des cheveux qu'ils ont. Mais, C'est probablement extraterrestre, puis habituellement, les extraterrestres vont leur donner une mission. N'ayez pas peur, là, c'est pas grave. Chacun doit faire son plan de vie. Il faut bien comprendre l'idée, c'est que si ça vous arrive, embarquez pas. Mais si ça arrive à quelqu'un d'autre, tu peux lui glisser un mot ou deux, mais si son bonheur est là-dedans, on le laisse aller là-dedans. À un moment donné, il va apprendre aussi. On ne doit absolument pas se mêler de la vie évolutive ou ascensionnelle d'autrui. Vous pouvez lui dire, écoute, à un moment donné, là, ça t'intéresse qu'on en parle, là, j'arrête pas à dire là-dessus, moi, là. C'est sûr que s'il vous dit, quoi, il faut vous baver un peu, là, là, vous lui dites, je suis convaincu que tu vas te faire ramasser par les culottes. Puis si lui essaie de vous convertir, ça vaut pas la peine d'essayer de le convertir, il est pas dans une énergie pauvre, mais il y a des personnes, on laisse toujours une petite porte ouverte, comme ça, pour voir. Mais il faut que la personne vienne, sinon on va pas à elle. Sans ça, on se met le carrément de son plan de vie. Puis on vient simplement aider à renforcer, on fait le travail inverse, on renforce simplement son association plutôt que de la diluer. On fait attention à ça, mais c'est pas un problème, sauf que c'est probablement très intraterrestre. En tout cas, c'est pas intraterrestre, c'est de l'astral qui se déguise en intraterrestre, parce que c'est typiquement intraterrestre. Si quelqu'un dit qu'il t'a connu, mais que toi, tu sais que non, comment cette personne peut-elle dire qu'elle est en contact avec toi? Il y a plein de monde qui m'ont connu. Écoutez, moi, je n'ai pas connu tous ceux qui m'ont connu. Demandez au président Reagan, là, vous dites, moi, je te connais, moi, je t'ai déjà vu. Ouais, c'est vrai. Lui, est-ce qu'il vous connaît? Non, absolument pas. Mais ça n'empêche pas que vous l'avez connu. Bon, ben, s'il y a plusieurs personnes, je ne connais pas tous ceux qui m'ont connu. Il y en a du monde qui m'ont connu que je connais pas. Il y en a, c'est bon, je leur dis ce qu'ils m'ont pas connu, parce que sans ça, ils sont pas prêts à me connaître. Vers quel point cardinal faut-il orienter notre tête pour dormir? Vers le meilleur. Toutes les théories tendent à prouver que c'est vers le meilleur point cardinal qu'il faut orienter notre tête. Ça varie d'un individu à l'autre? Ça varie d'un individu à l'autre. La majorité des personnes, c'est vers le nord magnétique qui vont dormir le mieux. Mais il faut qu'on trouve son point cardinal et puis on s'oriente là. Après un an, tu sais. Habituellement, c'est facile. L'emplacement dans votre chambre aussi le plus inadéquat de placer le lit, là, c'est là. Habituellement. Le lit dans la porte, là, mais non, la tête dans la porte du garde-robe, là, qu'il faut ouvrir. Normalement, c'est dans le... Oui, c'est... Or, on suggère de changer la maison, de tourner la maison en place. Mais on vérifie simplement, ça dépend des physiologies, ça dépend des corps vitaux, donc il n'y a pas de points cardinaux matrice, sauf qu'habituellement, c'est vers le nord, mais on vérifie. C'est parce qu'après un an, tu peux faire, tu essaies tous les degrés. Après un an, tu as fait les degrés. La journée, tu as mieux dormi, c'est celle-là. C'est ça. Mais c'était laquelle? Tu recommences l'année d'après? Non. Il y a au moins une journée par année où tu dors quand même. Tu as 365 jours dans un an, tu as 360 degrés, c'est pas pire. Est-ce Daniel que les gens génétiques. Bon, est-ce Daniel que les gens que tu viens chercher, ceux qui vivront dans ce transport séraphique, vivront-ils longtemps, à exemple 2200, ça? Comme je dis souvent, l'humain s'ennuie des soirs tout seul, puis il veut vivre 2000 ans. Ou tombe-t-il dans le temps réel? Bon, on passe à cette question-là. On va faire fourrer juste là-dedans, là. Premièrement, je ne viens pas chercher personne. Vous allez tous devoir venir vous chercher. On va probablement partir ensemble. Il y a des personnes avec qui j'ai des affinités parce qu'on a vécu dans le passé ensemble puis parce qu'on vit ensemble dans l'avenir. Je ne viens pas les chercher. On est associés puis on va faire des choses ensemble. On est ouvert à n'importe qui, donc je ne viens pas chercher des individus. Vous devez vous-même venir vous chercher. Et comment vous venez vous chercher? Conscientisez-vous. Vous allez attirer, vous allez créer dans l'avenir de l'information qui va faire en sorte que dans l'avenir, ça va dire, écoute, l'ancêtre en bas, là, il est organisable. Fait que là, ils vont venir vous voir. Ça prend le temps que ça prend. Puis c'est sûr qu'on prend toujours de la parole pour communiquer des choses. C'est sûr que l'ego colore les choses. Tu sais, je vais me le rencontrer. Y a-t-il des dangers que je me frappe dessus? L'humain colore les choses. Quand je parle de rencontre, c'est une rencontre physique, sauf qu'il y a un paquet d'étapes avant. Puis pour un individu, ça peut ne pas être nécessaire, la rencontre physique. Chacun va vivre ça en fonction de ce qu'il est lui. La majorité vont vivre un prototype particulier, mais une personne pourrait vivre totalement différemment. Il faut qu'elle comprenne que ça n'a aucune importance. On ne doit pas faire de telle façon. On doit faire selon telle saveur. Bon, par exemple, être bien dans sa peau, ce que ça veut dire, il faut être en forme et avoir des gros muscles. C'est la saveur qu'il faut aller chercher. Alors, tu es toute maigrichette, maigrichonne, maigrichon, puis tout petit. Tu es super bien à ta peau, tu as la saveur. L'autre. Et non pas la forme. La forme, ça va s'adresser à la majorité des individus. C'est la saveur qui est importante. Puis quand l'individu recherche la forme, il y en a plein qui vont avoir la même forme. Ils vont carrément rester à leur place parce que c'est pas ça. C'est la saveur. Bon, les gens qui vont venir se chercher eux-mêmes, ceux qui feront le transport séraphique, vivront-ils leur temps à eux, exemple 2000, 2100, 2200, ou tomberont-ils dans le temps réel? Non, ils vont effectivement tomber dans le temps réel. Pour l'époque où ils vont vivre. Ah, c'est correct, hein? C'est évident. C'est bien répondu. C'est encore pas sécurisé. Mais, en tout cas, un être nouveau, ça vit longtemps. Ah oui. Ça vit dans son temps. Est-ce que l'homme en initiation solaire peut avoir des alliés en initiation lunaire? Non, non. Avancer par rapport aux échanges possibles sur certains véhicules qui ont été et qu'il n'a pas été certain. Non. Et certaines vibrations. Non, même pas des complices, c'était peu, mais pas non. Qu'il a et qu'ils n'ont pas. Absolument pas. C'est pas ça? C'est pas la question? Non, il n'y a pas d'alliance dans les plans inférieurs pour celui qui est dans les plans supérieurs. On a des amis, on a du monde qui n'auront pas le choix de nous aider parce que qu'est-ce que vous voulez, à vitesse qu'ils s'en viennent, ils peuvent pas arrêter à temps, ils nous poussent à avancer. Mais c'est pas des alliés. C'est pourquoi je dis que les personnes doivent commencer à travailler, à se faire de nouveaux amis. Parce que même les amis du passé, à un moment donné, vont finir par être des freins. C'est pas qu'on coupe avec eux. On est bien, on est correct. Si on est capable d'être tellement bien ajusté qu'on est capable d'être bien avec eux, d'être bien avec d'autres, c'est correct. Normalement, c'est eux qui vont finir par couper. Mais ce ne sont pas des alliés. Si vous avez un allié plus évolué que vous, qui vous aide énormément réellement, c'est parce qu'il est plus évolué que vous, plus il y a trop d'égo pour le voir. Holiday Inn, Richelieu, Saint... Oh, c'est pas ça. Non, il n'y a rien, c'est possible. Lise l'adresse, écrit ses papiers. OK, élabore davantage sur les alliés. Tout de suite, ou... Pas ces autres alliés. Un être à devenir supramental ayant de sérieux problèmes physiques pouvant le mener vers la mort, peut-il obtenir physiquement de l'aide de son double vivant dans un avenir possible? Oui. Dans un avenir possible. De quelle façon? De quelle façon? Comment? De quelle façon? Il faut que la personne évolue suffisamment. Mais là, si je te compte tout comment ça va arriver, la personne elle va s'essayer astralement à faire les mêmes choses. Ça ne fonctionnera pas. Elle va perdre trop de temps dans l'astral à essayer de copier l'intelligence. Mais l'intelligence... Est-ce impossible parce que rien n'est impossible? Ou non, non, impossible, non, non, non, non, non, non. C'est un vrai possible, là. Non, mais c'est pas possible. Quand les médecins m'ont perforé le côlon, il fallait qu'ils m'opèrent. Bon, il y avait du radium dans le côlon, il y avait de l'infection là-dedans, tout était dans la manchure. J'avais le corps infecté au complet parce que l'air qui sortait du côlon l'a monté dans le dos, elle a infecté la plèvre, les poumons, etc. Puis juste dans le cou. Je faisais de la température en masse, etc. Puis c'était évident qu'il fallait opérer. Puis c'était puis c'est une opération majeure qui m'avait dit, etc., le chirurgien. Et puis le lendemain matin, j'ai plus de température, la pression était normale, les globules étaient normaux. Et puis dans l'après-midi, les radiographies prouvaient que j'avais plus aucune perforation colonique, il n'y a plus d'air qui sortait par là, etc. Et puis finalement, ils ont fini par me laisser aller, avec regret. Ça prouve quoi? Ça prouve que Torieux, ça se fait. Moi, je l'ai toujours su. Mais ce soir-là, il a fallu que je le sache en maudit, parce que je me disais, écoute, je vais m'arranger moi-même. Puis en même temps, mon égo, il disait, écoute, laisse donc faire, tu sais. Là, c'est grave, là. Le médecin était là, « Monsieur Kim, vous êtes dans une zone noire. Donc, il faut absolument qu'on opère, parce que ça sort. Puis si on attend demain, ça va être dans une zone encore plus noire. » Un noir foncé. Bon, il m'expliquait qu'on sort tous les intestins au complet quand c'est infecté, on les lave tous dans un chaudron, puis on va les replacer. Ça fait que plus tu t'opères, moins ça infecte, plus c'est. Et puis, après ça, moi, je placotais, puis là, il revenait, puis il me disait, vous êtes dans une zone grise. Et puis, tu sais, lentement, j'ai dit, bon. Et puis, finalement, ben là, j'ai expliqué ce que je suggère qu'il fasse. Et puis, pour me laisser la nuit. Et puis, finalement, ben là, il est venu en disant qu'il était pour faire ça, mais que demain, 8 heures, si c'était pas correct à son goût, ce qui ne se sera pas, selon lui, il m'opérait. Alors, la banque de sang était prête le lendemain, 8 heures, la salle d'opération était prête, tout était prêt au complet, sauf moi. Et moi, j'avais plus besoin de leur chirurgien. Les alliances, ça fait partie des alliances. Ça fait partie aussi de ce qu'on peut faire avec le travail de conscientisation au niveau du travail séraphique. Et puis, après ça, deux, trois jours après, les médecins, ils venaient tous un après l'autre. Je les ai toutes vues parce que c'était intéressant pour eux autres. Puis, ils venaient me peser sur l'abdomen. Je disais, tabarnouche, elle pesait pas si fort. Puis, ils me disaient, ah, j'aime autant que ça ouvre ici que chez vous. Mais une chance que c'était fermé comme il faut, hein. Parce que... Ah, c'est... Il poussait, je te dis, il poussait. C'est une vraie farce. C'est logique du point de vue médical. C'est mieux que ça pète ici que chez vous. Ça, c'est logique. Là. Mais tu sais, moi, j'aurais attendu au moins que ça cicatrise un peu avant d'aller vérifier si c'était bien fermé. Mais eux autres, non. C'était pas le lendemain, mais la deuxième journée après. Ça fait le mousse là-dessus. S'entraîner. Non, absolument. Et puis, ben, c'est ça, fait que ça fonctionne effectivement. Et là, on parle d'une chirurgie. On parle de l'obstruction d'une ouverture dans un organe qui est infecté et qui est bourré de produits radioactifs. C'est. Je pensais pas que ce soit logique, ça ne se fait pas. Bon. Puis, assez gros le tout. L'air, tu en vois partout dans les radiographies, les muscles en sont pleins, tu es infecté partout. C'est pas. Et puis, les globules blancs deviennent normaux, la température descend, tout est parfait. Ben, j'ai eu des alliances humaines. OK. Il y a des personnes qui m'ont donné de leur énergie, c'est correct. Ça m'a juste permis de me connecter à des alliances que j'avais, mais que l'ego avait oublié un peu. C'est très puissant. En quelques heures, totalement réparé. Bon, alors, c'est bien. C'est que ça fonctionne. Moi, je savais, puis maintenant, je le sais encore plus. Mais une chance que je l'ai su ce soir-là, parce que sans ça, je l'aurais jamais su. Oh, j'ai guéri d'autres personnes, tu sais, mais quand c'est nous autres, on va me suivre, hein. Vous savez ce que c'est, hein. Vous êtes bon pour conseiller du monde, hein, mais quand c'est votre cas, là, vous êtes plus bon à rien. Ben, c'est la même chose. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut qu'on passe de la théorie à la pratique. Comment qui vient de loin un beau mentir? Un beau mentir qui vient de loin? Non, qui est policier un beau mentir. sinon, pourquoi? Et qui alors peut intervenir physiquement auprès de tel être? Ça se fait, mais... Il n'y a pas de qui présentement parce que. Il y a des questions que les personnes posent de temps en temps qui sont compliquées à répondre parce que leur ego est à l'écoute en même temps que leur intelligence. Présentement, il n'y a personne qui va intervenir pour guérir les individus, à part les personnes qui sont mandatées pour la guérison, comme le personnage qui me pose des questions de temps en temps. Ça, c'est un personnage qui est mandaté pour guérir les personnes, sauf qu'il doit s'arranger normalement pour guérir les personnes qui se conscientisent. Lui, il devrait se spécialiser dans les maladies déconscientisées uniquement. Puis quand je parle de maladies, le bonhomme, c'est le bonhomme, il est capable de diriger psychologiquement les égos, il est capable de diriger, même de parler avec l'intelligence, c'est un gars extrêmement intelligent. Il est capable de s'occuper du corps vital, c'est un gars extrêmement sensible, capable de savoir des choses, capable de s'occuper du corps physique aussi. Lui, il doit restructurer, c'est pas, bon, je suis conscientisé, j'ai mal nulle part, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. C'est exactement lui, c'est un masseur des plans énergétiques, c'est dans le genre, tu y vas une fois par mois uniquement pour te faire place. C'est correct. Il va juste replacer des petites choses, des choses un peu avec lui, puis il donne des petites affaires. Ça sauve une quantité de livres astronomiques que tu auras à lire, parce que lui, il se fait devoir de tout lire. On rachète la même chose que lui. Tu trouves un livre, tu vas y porter. Non, c'est un vrai, vrai, vrai bon bonhomme qui pourrait faire ce genre de choses-là. Alors lui peut travailler avec une personne, par exemple, pour l'aider. Mais sauf que le problème quand on travaille avec des gens qui se conscientisent, c'est que si l'individu est limité par l'intelligence, autrement dit par sa trop grande résistance égoïque, l'autre, il ne pourra pas l'aider. Mais dans ce cas-là, ce gars-là va lui dire. Il va lui dire, toi, là, tu peux pas, ça sert à rien. Je vais m'en faire tout ce que tu voudras, là, ça va, il va rien se passer. T'es bloqué. Hein? Puis il n'y a pas ça, lui, il a bien du temps, puis il a bien de la patience, puis il peut jaser, puis il est correct pour ça. Vraiment correct pour ça. Sauf qu'il ne s'en sert pas présentement, là, qu'est-ce que vous voulez. C'est un vétérinaire qui traite des insectes, il a bien de la misère, tu sais. Chaque fois qu'il garde une aiguille, il peut donner une injection, là, il trouve plus l'insecte. Il a appris qu'il fallait qu'il pique, puis il a spé, il voit si c'est pas une veine. tout le linceul qui est dans ça. Oui, c'est parce qu'après ta main, tu ne travailles pas avec les bonnes personnes. Puis je pourrais en rajouter hein, pour le ramasser, ce gars-là. Parce que c'est pas correct karmiquement que de ne pas travailler avec les bonnes personnes. Alors c'est sûr qu'ils se ramassent un paquet de chenic à flanc à chenic à chenic. Tout le monde c'est du bon monde, ils ont pas travaillé avec tout le monde. Je n'aurais rien contre dans sa clinique que ce soit n'importe qui, mais il faut qu'il se rapproche de ceux qui ont besoin d'eux. Parce que lui a besoin d'eux, énergétiquement. C'est très intéressant de travailler avec du monde qui sont à notre potentiel énergétique. Je n'ai pas trop en compter, mais c'est vraiment bien. Mais il faut que l'humain se rapproche de ses amis, il faut qu'il se fasse des amis, puis il faut qu'il s'enligne là-dedans. Et oui. Utilise-t-on alors la technique du clone ou du gola par le biais de transfert de conscience? Non. Non, pas là. Pas à ce niveau-là. Non, la personne... conscientisez-vous. Parce qu'à un moment donné, on se conscientise, d'un coup, on décide d'arrêter de se conscientiser parce que là, on cherche une mécanique parce qu'on est sûr qu'on n'arrivera pas à temps. Mais on cherche un frigidaire. Continuez à vous conscientiser, puis à un moment donné, là, le petit bout qui vous manque, là, il va finir par arriver. Il va tout changer l'affaire au complet. Mais en attendant, le petit bout qui manque, là, c'est exactement comme ça n'avait rien. C'est comme tu as une automobile, ce qui manque, c'est la clé. Mais tant que tu n'as pas de clé, tu n'as pas d'automobile. Mais c'est pas l'automobile qui te faut, c'est la clé. La majorité, là, manque pas grand-chose. Puis il y a un paquet d'autres mécaniques qui font en sorte que quand un corps physique meurt, l'individu ne meurt pas. Quand l'individu est suffisamment égoïque, tout ce que l'individu a à faire, c'est de devenir humble, de devenir transparent, de devenir joyeux, de cesser d'être manipulé, d'être son seul maître. Et le corps physique, il va finir par suivre. Puis le corps physique, l'âge, il va se remonter dans un double éthérique suffisamment formé pour pouvoir revenir sans toute la problématique des réincarnations connues par l'humain, connues des mortels. Notre âme nous vient-elle uniquement des intraterrestres? Connaissent-ils la joie, la sérénité et l'amour? L'amour émotif, oui, ils connaissent toutes ces choses-là. Ils connaissent pas l'amour intelligent, ils connaissent pas l'amour instantané, mais ils connaissent ces choses-là, oui. Pas comme l'humain. Eux, ils le connaissent pas en termes de valeur émotive comme l'humain. La joie, la colère et ces choses-là, ils connaissent ça, mais pas dans le genre s'emporter ou... C'est pas exprimé endocrinalement. Ils connaissent ces choses-là, mais ça a une correspondance différente de ce que l'humain, lui, connaît. Mais c'est les mêmes choses. Comme quand t'entends, par exemple, on va dire un Russe dire à quelqu'un qu'il l'aime, t'as l'impression qu'il l'engueule, tu sais, à cause de la façon dont le langage est formé. Bon, ben, chez les intraterrestres, c'est un peu la même chose. L'amour et ces choses-là, ça n'a pas la même saveur. Nous, on verrait deux intraterrestres, par exemple, qui sont joyeux, puis on verrait pas grand-chose, on comprendrait pas. Mais c'est la joie. Mais c'est la colère, c'est l'ennui, c'est l'amour. L'amour dans le sens, je te possède, tu me possèdes, on se possède, on est bien... Mais exprimé d'une façon différente. L'Arche d'Alliance accumule-t-elle de l'énergie vitale ou mentale? L'Arche d'Alliance est uniquement de l'énergie vitale. Ça va te servir, ça? Ça sert-tu présentement? Non, ça l'a servi dans le passé, mais... Ça fait partie, ça, des outils... préconscientiatifs. C'est à peu près l'équivalence d'un outil préhistorique. L'Arche d'Alliance, c'est un silex. Fait que c'est sûr qu'un silex, on peut encore se servir pour taper un animal, pour allumer un feu, pour couper du bois. On peut, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, l'être nouveau va être beaucoup plus équipé que l'Arche d'Alliance, ou le Graal, ou... Que toutes les mécaniques du passé. Y avait-il qu'une seule ou plusieurs arches d'alliance? Non, ils ont fait une seule arche d'alliance, mais c'est un condensateur d'énergie, mais il y a eu plusieurs autres sortes de condensateurs d'énergie. Il y en a eu à Bagdad, en Irak, il y en a eu au Tibet, il y en a eu au Pôle Nord, il y en a eu un peu partout. Mais en termes de contrat, disons, matériel entre des entités extraterrestres et l'humain, il n'y a eu que l'arche d'alliance de créer dans ce genre-là. Quel rapport y a-t-il entre Arche d'Alliance? Non. On dit Alliance avec qui et pourquoi? Bon, ça n'a rien à voir avec l'Arche d'Alliance. Une alliance, c'est encore une fois quand on est lié à Dieu, quand on est lié à de l'intelligence, quand on est lié à quelque chose de grand. Le mot est intéressant par lui-même, ça ne peut pas nécessairement dire qu'on se relie toujours à Dieu. L'alliance que l'humain va faire... On va en glisser un petit mot, ça va répondre un peu à d'autres questions-là. Mais très rapidement, on va revenir sur les alliances à un moment donné, mais c'est pas encore émotivement, c'est pas encore le temps pour trop de personnes. Mais Premièrement, l'humain devra être capable d'avoir une alliance avec l'Esprit Saint, donc une alliance avec l'intelligence supramentale et pas uniquement avec son domicile. Ça veut dire que l'alliance devra être capable d'avoir l'alliance. Mais l'humain devra être capable d'avoir une alliance avec à travers la galaxie, avec ce que l'humain connaît sous le nom du Nazaréen. C'est un très grand allié de l'humain. Bon. Et l'humain doit avoir une alliance avec des processus qui font partie du futur. Et l'humain doit avoir une alliance avec une énergie qui n'a pas de nom présentement, qui est celle qui nourrit le Nazaréen et qui provient du centre de la création. Et quand on parle d'alliance, ça veut dire que tu peux, par certains processus, dans un langage particulier, te transporter chez eux ou les inviter chez vous. Alors, à un moment donné, tu sens leur présence. L'individu n'est pas toujours là, tu sens sa présence. Tu sens que les forces de son évolution fuient à toutes grandes jambes. Même ceux qui courent lentement, ils se traînent à terre, ils font ce qu'ils peuvent. Et puis, à un moment donné, ton corps physique se sent totalement bien. Là, tu as une alliance, il y a un allié qui est là. Et tu le reconnais. Et si tu demandes à quelqu'un d'un peu sensible, perçois-tu quelque chose? Il va dire oui. Bon, es-tu un animal ou une personne? Ça me semble une personne. C'est qui? Le nom qu'il va te donner, c'est exactement le bon nom. Bon, ce sont les alliances. Et la fois que tu as reconnu un de mes alliés, c'était évident. C'était une alliance avec cette mécanique-là. Plusieurs personnes avaient pensé à une chose similaire, mais c'est le seul qui avait donné le nom. Les alliances sont des alliances comme ça, mais c'est pas par le contact spirituel qu'on va les chercher, parce que là, le contact spirituel, c'est le langage de l'astral, donc c'est relié au plan astral. C'est sûr, quand on se relie au plan astral, on va avoir une petite alliance bénigne d'énergie qui peut venir, mais c'est jamais long, c'est jamais solide. Non, il faut apprendre à parler le langage de l'intelligence, il faut apprendre à parler ce dialecte, il faut apprendre d'être intelligent, puis ça ne s'enseigne pas. On le découvre, on le sait, comment on fait. Quel rapport y a-t-il entre Arche d'Alliance, sommet d'une pyramide, lumière blanche, centrale et sarcophage de granit dans la chambre des rois? Ben, il n'y a rien, c'est une bibliothèque, la chambre des rois. Alors, ils ont gravé plein de choses dedans, il n'y a pas de lien particulier. Les seuls liens qu'il y a sont des liens astraux, sont des liens humains, parce que la majorité des choses ont été données par les intraterrestres, pas extraterrestres. Mais il n'y a pas de lien entre la mécanique. Le seul lien qu'il y a, c'est toutes des choses qui ont été données à l'humain à partir de contacts intraterrestres. Donc intra-extra, parce que les extraterrestres se présentent souvent en volant. L'humain parlait d'extraterrestres. Mais c'est la seule relation qu'il y a. Mais pas ésotériquement, occultement, entre les morceaux eux-mêmes. Il n'y a aucun rapport. Le seul rapport qu'il y a, donc, c'est qu'ils proviennent de la même place. Ainsi que la façon de construire les pyramides, ainsi que tout ça au complet. Mais... parce que la chambre du roi, la pyramide de Khéops, entre autres, c'était pas un tombeau. C'était pas une farce. C'était quoi? C'était un gros concentrateur d'énergie. Une antenne supramentale peut-elle supporter la puissance dégagée par une arche? Ah, ben oui. Y a-t-il une arche au Québec? Non, c'est pas nécessaire. Il y en a une, mais c'est pas nécessaire qu'on les... on s'en sert pas. Est-elle en activité? Oui. À quoi sert ou servira-t-elle? Elle sert simplement à maintenir une quantité d'énergie tellurique particulière au Québec. Elle fait vibrer le sol. Elle maintient un degré énergétique tellurique particulier au Québec. Les êtres de transition supramentale peuvent-ils supporter la puissance d'une arche? Non. Non, ils ne sont pas encore capables de supporter leur ego. C'est l'ego, l'ego. Vous avez de l'ego, l'arche d'alliance, par exemple, ou ce genre de condensateur d'énergie, ça a de l'ego. L'ego, il va se faire égoïser, hein, le corps avec, il va fondre. C'est beaucoup plus puissant qu'un phénomène nucléaire. C'est de l'énergie vitale pure. C'est même pas une question d'atomes. Quand on sait le pourquoi, avec l'aide du... facilitateur. Du tenseur, du facilitateur, oui. Quand on sait le pourquoi que l'ego ne voulait pas autoriser la conscience à faire quelque chose, est-ce suffisant pour que l'ego effectue le nettoyage ou est-ce qu'il est nécessaire de montrer à l'ego à quoi pouvait ressembler l'état de la conscience que la conscience veut établir? Bon, plus on va instruire l'ego, mieux ça va être. Donc, nécessairement, quand le mental est au courant d'une problématique facialaptique, ce qui arrive, c'est que le mental va pouvoir maintenant travailler à la bonne place. Mais maintenant qu'il a vu le problème chez l'ego, il peut travailler là. Mais souvent, les problèmes de l'ego sont vastes, sont larges. Alors, quand on sait un problème, il peut y avoir d'autres petites facettes autour qui vont aussi empêcher la conscience d'avancer. On règle un problème. Et c'est évident que plus on va être épuisé, ou plus on va être capable d'instruire et d'informer l'ego de ce que ça devrait faire, ou de plus on va le raisonner, maintenant qu'on sait exactement ce qui empêchait de bouger, plus ça va faciliter les choses. Mais la personne doit faire un peu le travail. Parce que le facilitateur, ça permet simplement de lire, ça nous permet de connaître l'ego comme ça n'a jamais été permis dans le passé. Mais juste le fait de connaître le problème, le mental va commencer à travailler pour. Mais c'est sûr que si on instruit un peu l'ego, ça va accélérer dans énormément de choses. Absolument. Alors là-dessus, je ne sais pas quelle heure qu'il est. J'ai tenté encore de me lancer dans une... encore des choses à dire. Oui, sur les alliés. Oui, mais j'en ai parlé un petit peu là. J'ai répondu à la question. À moins que tu aies une autre question. Non. OK. Je vais revenir encore sur l'importance très stratégique de se grouiller. C'est extrêmement important de commencer à appliquer les choses, puis ce qui est extrêmement important aussi, c'est de se faire une espèce d'horaire ou de calendrier. On doit y aller par morceaux. Il y a trop de personnes qui ne font pas la distinction entre un discours pour recevoir de l'énergie et un discours pour apprendre des choses à faire. Un contact pour recevoir de l'énergie, donc un contact de créativité uniquement pour recevoir de l'énergie, d'un contact de créativité pour nous faire des choses. Il y a trop de personnes qui ne font pas la nuance. Par exemple, on discute un soir de certaines choses, et puis une fois qu'on en a discuté plein, là, on a plein d'idées. Oui, mais la discussion, c'est une discussion pour ramasser de l'énergie, pas pour qu'on commence à faire des choses. Et tant que les personnes ne comprennent pas ça, ils ne peuvent pas structurer convenablement leur démarche. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ben là, j'aimerais faire telle affaire, il me semble qu'il faudrait que je fasse ceci, puis il y a une bebelle là-bas, puis non, je suis là, puis à quoi ça sert telle bebelle, puis j'ai peur de ça là, puis il me semble que je suis attiré par ça là, puis... Non, développer la patience, c'est extrêmement important. Il y a des personnes avec qui je travaille régulièrement, puis je passe mon temps à leur dire, écoute, t'as plein de créativité, c'est génial, mais là, les personnes transitives, ont ça comme problème. C'est des créateurs, des créatrices. Ce sont des parteux, puis des parteuses, mais jamais des continueuses, des continueuses. Il faut cesser. Bon, alors, il y a plein de choses qui vont se passer, et plus l'humain va être capable d'être calme avec tout ce qui arrive, plus il va en avoir de l'énergie. Mais il faut qu'il puisse faire la part de l'énergie qui lui permet de bouger, de l'énergie qui lui permet de s'alimenter. Et ça, il faut bien comprendre le principe, parce que sur 20 idées géniales que tu vas avoir, il n'y en a peut-être pas une seule qui doit être appliquée. C'est la façon qui est prise par l'intelligence pour t'alimenter mentalement, astralement. T'as une idée, là, tu te mets à vibrer énormément, puis ça te plaît, t'en parles, t'en baves, t'alimentes tout, sur tous tes plans. Puis une fois que, ben, maintenant, là, on fait quelque chose. Non. Mettons, relax. Mettons, même si on reste connu, donc une vie, une utopie, on va marcher, on va voir un film, on sort, on fait rien. Ah, mais on a tout ça pour rien. Non, tu t'es alimenté. À un moment donné, la personne va dire, bon, ben là, ben, c'est pas mal alimenté. Là, on va aller se coucher. Là, moi, je vais dire, non, l'instant, c'est pas d'alimentation, ça, là. Il faut le faire, ça, là. La personne, elle, comment ça que c'est ça? C'est ça, il faut apprendre progressivement à structurer toutes les démarches parce que vous allez savoir, dans si structuré, vous allez savoir ce que vous avez besoin. Vous avez subitement une créativité absolument phénoménale pour la cuisine. Là, vous faites de l'alchimie alimentaire. Et puis, il se trouve que vous êtes malade physiquement. La créativité, c'est pas pour ramasser de l'énergie juste le temps de l'appliquer. C'est facile. Que parce qu'on l'applique, là, on est ouvert. On a une autre idée géniale. Un autre. À un moment donné, là, wow! Pas tout faut tous les choix en même temps. On doit apprendre à se calmer. Et à continuer à accepter de recevoir de l'énergie. Parce que les personnes, à un moment donné, ils veulent plus. Là, moi, faut que je me déconnecte, là, j'ai bien trop d'idées. Non, je déconnecte pas, continue à ramasser des idées, mais qui là, donne-moi mes idées. Et tu sers ça. Peut-être. Mais c'est tout. Sans ça, les individus se garochent, puis ils n'en peuvent plus. Je connais des personnes qui devraient évoluer beaucoup plus rapidement. Ils évoluent rapidement, mais beaucoup plus facilement. Mais ils sont toujours en train de se poser un paquet d'amoncellement de questions, puis un amoncellement de problèmes, puis là, ils veulent faire telle affaire, puis ça ne fonctionne pas, puis... C'est pas ça. Même si tu n'as pas la foi. C'est extrêmement important de comprendre, il faut appliquer une petite chose à la fois, et des choses qui sont banales. On commence par le corps physique. On continue à discuter énergétiquement, on continue à changer de l'énergie. On ramasse de l'énergie comme ça. Mais on s'occupe du corps physique. Puis quand le corps physique n'est pas pire, à partir du standard vu par votre intelligence, pas par votre ego. Parce que l'ego il va dire c'est pas pire, c'est pas ça du tout. Ou l'ego va dire c'est pas encore correct, alors que c'est correct. On va continuer à améliorer après, là. Mais quand c'est rendu pas pire, là, il y a dans l'énergie, dans les dialogues, dans les contacts avec l'ajusteur de pensée, dans l'intelligence qui va descendre, à un moment donné, on va avoir quelque chose qui va nous vibrer convenablement, comme tout le reste, mais qui va aller, on doit tout seulement être, qui va aller avec ce qu'on considère comme étant le plus écologique à appliquer. Là, c'est peut-être la santé, c'est peut-être la paix intérieure, c'est important. C'est peut-être le fait de s'aimer. C'est peut-être régler du karma avec d'autres individus. C'est peut-être se désinhiber. C'est peut-être faire de l'argent. Lire un livre, ou lancer une entreprise, ou simplement se trouver un emploi. Mais l'individu doit appliquer la vibration de créativité dans le bon temps. Ça doit être synchronisé avec ce qu'il vit. Puis le reste au complet, c'est là uniquement pour l'alimenter. Mais l'humain, la difficulté, c'est exactement comme si vous avez faim. Vous rentrez dans un restaurant, puis là on vous sert du maïs, des dindes. Là vous commencez, waouh, tabarnouche, hey, tu fais quatre graines puis après ça, pas en courant, tu trouves un champ, puis t'as. Là tu viens manger, salaud c'est tomate. Tu goûtes ta tomate, tabarnouche, tu ramasses les graines de tomate, tu pars encore un autre chef, tu prends des tomates. Hey, mais tu ne nourriras jamais, torieux. C'est la créativité là, quand on ne comprend pas le principe. Là, tu es venu manger, mange. On fait une grosse réunion pour s'énergiser, on s'énergise. Après ça, il y a plein d'idées, ça vole partout, preuve que ça l'a réussi. On s'alimente. Mais calmez-vous. Mais on est alimenté. Quand on fait les réunions de Genesis, on fait de la pharisation, c'est la même chose, si j'expliquais à mon donné aux gens. Il y a plein d'idées géniales, en bleu 1, en bleu 2, en bleu 3, en bleu 4. C'est pour vous prouver que ça existe, les idées géniales. Bon, maintenant, ne vous demandez-moi pas quand est-ce qu'on le fait, on le fait pas. Mais c'est génial. Ça devrait être fait. Mais on le fait pas. On le fait pas. Mange, pas de manger, là, écoute. On relaxe. Il y a des choses comme ça que les personnes devront apprendre. Structurer leur évolution pour être capable de savoir quand est-ce qu'une créativité, une énergie descend, quand est-ce qu'il faut qu'on l'applique là. Puis comment qu'on évalue si c'est elle qui doit être appliquée ou pas. Mais il faut comprendre que la majorité de l'information qui va passer, comme de ce que je vais dire, comme de ce que vous allez recevoir de par votre propre ajusteur de pensée, c'est de l'information qui est là pour alimenter. Alors, on ne se fait pas grouiller partout. On s'alimente. La tentative, c'est évident qu'à un moment donné, il va falloir que tu vérifies à faire quelque chose, mais ça, pour ça, il faut te structurer un petit peu avant ta démarche. Ta démarche, la conscientisation, ça commence par la matière. C'est évident que ça commence par l'humain, par tout ce qui fait partie des processus qui constituent l'humain. Sa psychologie, son corps vital, son corps physique, son corps mental, son corps supramental, les alimentations convenables des certaines choses, de certains corps en fonction de ce qu'ils ont besoin. Et après ça, l'humain commence par atterrir des choses en fonction de ce que son intelligence va lui dire. Mais il y aura énormément de créativité, d'idées, de contextes particuliers, de concepts, de théories, d'amalgames, d'un paquet de choses, uniquement pour s'énergiser. Pas pour avoir peur, puis pas pour poser un paquet de questions après, puis pas, non! On dialogue. C'est un peu comme genre souvent avec une personne, puis il me dit, ouais, mais c'est intéressant, maudit! Par là, je fais 1h du matin, il faudrait qu'on aille se coucher, mais ça ne me tente pas. Mais c'est ça, bonne nuit. Oui, il faudrait qu'on aille se coucher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon lui, là, lui, il est fatigué, son corps physique est fatigué, son corps vital est fatigué, mais il aimerait ça qu'on soit alimenté. Parce que là, c'est intéressant. Mais non, on en fera d'autres réunions intéressantes. Oui, mais là, on fera contre chose, les prochaines fois, c'est là, on est dedans. Ben oui, je sais, mais c'est comme ça que la vie, elle se passe. Là, on s'en va se coucher, on oublie. On rentre chez soi, on prend sa petite douche d'eau froide. Ça marche. Bon. Et puis après ça, ben là, on fait des petits exercices pour se calmer. On vérifie son corps physique. On met de l'ordre un petit peu autour de soi parce qu'on n'a peut-être pas fait ça dans la journée. Quand on sort, on dort. Puis quand on dort, peut-être qu'on continue à jaser par rêver, mais au moins on dort. Puis après ça, à un moment donné, on rencontre encore les personnes. Puis on essaie pas de reprendre la discussion où ce qu'on était. Faut pas. C'est la mémoire. Mais non, on s'amuse, à un moment donné, boum, ça repart, ben ça repart un autre créneau, tant mieux. Mais juste pour s'alimenter. L'humain, c'est pas manger. Toutes les naturalistes vont vous le dire. L'humain, c'est pas manger. Dans les autres plans aussi, c'est pas manger. C'est pas s'alimenter affectivement. Et c'est pas s'alimenter mentalement, convenablement. C'est pas s'alimenter vitalement, convenablement. Il y a peut-être des techniques pour le faire, mais c'est encore le rôle de s'en aller. c'est la même chose, c'est bon pour la santé, oui, mais c'est pas bon au goût. Il y en a pas pour l'instant, tu alimentes ta santé. Mais tu nourris ton corps astral? Mais tu peux. Ah, prends-en, puis c'est bon, là, nourris ton corps astral. Mais si c'est le corps physique que tu veux alimenter, alimente le corps physique qui est fini là, prends son corps et le bouger. C'est pas bon au goût, c'est pas bon au goût. Sinon, on finit par se faire. C'est demander de manger ta belle. Un petit verre d'eau, un petit verre d'eau. C'est pas bon prendre de l'eau là, non, mais au moins, ça passe. Faut relaxer. Les choses vont très bien. En bonne semaine. Amusez-vous.